Voici, à une petite heure, deux autres contes de Voltaire, certes moins connus que Zadig, Candide ou l'Ingénu, que j'ai déjà enregistrés. Voici d'abord Micromégas, publié en 1752, soit 5 ans après Zadig ou la Destinée. Micromégas est formé sur deux mots grecs courants en français. Micro, petit, mégas, grand. Micro, avec lequel le français, selon Larousse 2016, a formé plus de 120 mots, tels microbe, un petit être vivant, microcosme, l'univers en petit, etc. Méga ou mégalo a été moins utilisé car il avait un concurrent, macro. Citons oméga, le grand O, dernière lettre de l'alphabet grec, par opposition à omicron, le petit O, et mégalo, raccourci de mégalomaniaque, celui qui a la folie des grandeurs. Donc Micromégas est le petit grand, car tout est relatif, comme nous le montre Voltaire dans ce conte, 150 ans avant Einstein.